Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le recensement de sa création en Nouvelle-France à la controverse l'entourant sous le gouvernement de Stephen Harper. Il y a un mois, est-ce que les gens parlaient du recensement ici au Canada? Non, ils n'en parlaient pas. Le gouvernement, M. Harper, a décidé d'en faire une histoire. Il a sorti ça au milieu de l'été. Le député libéral Marc Garneau, en juillet 2010, qui reproche au gouvernement de Stephen Harper d'avoir créé de toutes pièces une controverse autour du recensement. Le gouvernement conservateur de Stephen Harper qui provoque de fait un véritable tollé dans la communauté scientifique et dans les milieux politiques quand il décide, à l'été 2010, de mettre fin au questionnaire long et obligatoire du recensement. À la suite du recensement de 2011 et de son nouveau questionnaire plus court et facultatif, ce même gouvernement décidera de ne pas publier certaines données du recensement compte tenu du faible taux de réponse et du peu de fiabilité des résultats. Les libéraux de Justin Trudeau annonceront le retour des questionnaires longs et obligatoires du recensement lorsqu'ils seront élus en octobre 2015. Chose certaine, cette controverse-là autour du recensement associée au gouvernement Harper aura permis de réaliser l'importance et l'utilité de la tenue du recensement. Montréal, 1666. Avec 584 habitants, Montréal est la plus grande ville de la colonie, avant Québec, qui n'en compte que 555, et Trois-Rivières, 471, pour une population totale de 3418 habitants. L'historien et homme de théâtre Jean-Claude Germain, qui y va ici des faits saillants associés au tout premier recensement à être tenu en Nouvelle-France, le recensement de 1666, pour nous raconter l'histoire du recensement, la manière dont il évoluera aussi au fil du temps. L'historien et guide interprète à la Commission des champs de bataille nationaux, Luc-Nicole Labrie. Luc-Nicole Labrie, bonsoir. Bonsoir. L'histoire du recensement chez nous, ça commence donc en 1666. C'est, Luc-Nicole Labrie, quoi, 50 ans, un peu plus de 50 ans après la Fondation de Québec. Pourquoi un premier recensement plus de 50 ans après la Fondation de Québec? Ben, en fait, il y a une raison très simple au départ. Si on pense à la fondation de la ville de Québec en 1608 par Samuel de Champlain, le premier hiver, donc le premier moment où on est ici, il y a 28 personnes à Québec quand on commence l'automne. C'est pas grand monde à recenser. C'est ça, on peut y aller à main levée, on connaît les noms de tout le monde, c'est terminé. Puis même pire que ça, je veux dire, à la fin de l'hiver, il y a 20 de ces personnes-là qui sont décédées. Donc, il y a 8 personnes au printemps 1609 à Québec. Donc, ça vous donne une idée qu'il n'y a pas vraiment encore de besoin. Mm-hmm. Puis, avec les fondations successives de Trois-Rivières en 1634 et Montréal en 1642, c'est un peu la même situation qui va se reproduire. Pour qu'on arrive en 1666, comme on entendait dans l'extrait, avec 500 quelques personnes à Montréal et à Québec, on sait que pendant à peu près une cinquantaine d'années, bon, un peu plus de 50 ans, à partir de la Fondation de Québec, on n'a pas énormément de gens, donc pas nécessairement besoin de faire un recensement. C'est Jean Talon, l'intendant Jean Talon, qui va décider de faire ce premier recensement, de fait en 1665, puis il sera complété en 1666. Un petit mot peut-être d'abord pour nous rappeler qui est Jean Talon. Oui, Talon, c'est un administrateur français. Quand je dis administrateur, c'est très intéressant parce que la carrière de Talon coïncide un peu avec la popularisation de la fonction d'intendant. L'intendant a des rôles très particuliers dans la France d'Ancien Régime. Notamment, il va s'occuper de la justice. Donc, c'est un peu la cour d'appel. Hein. C'est le juge qui peut mettre fin à tous les procédés, tous les procès. C'est lui qui peut avoir la décision ultime. Mais aussi, il s'occupe de la police. Et là, je l'entends pas au sens moderne, mais bien au sens de l'Ancien Régime. C'est un peu, en fait, la société en général de laquelle il doit s'occuper. Donc, toutes les questions qui ont rapport au logement, à la religion, à la conduite publique, ça va tomber sous la juridiction de l'intendant. Et Talon, c'est dans le milieu des années 1650 qu'on va voir vraiment une utilisation plus grande des intendants dans la France d'Ancien Régime. Ouais. Et ici, dans la colonie, Talon va être transféré après avoir été un très jeune intendant. Hein, donc, dans la trentaine, de se faire confier l'intendance d'une région de France, le Hainaut, comme ça avait été son cas, ça lui donne une expérience. Mm-hmm. Et quand il arrive au milieu des années 1660, c'est pour ça qu'on le nomme intendant ici à Québec. Et il décide donc que c'est le moment est venu de se lancer dans un premier grand recensement. Pourquoi? Ça, c'est intéressant parce que quand il est nommé ici, là, les autorités françaises, donc et en particulier le contrôleur général des finances, Colbert, viennent de reprendre, si vous voulez, contrôle de la colonie. On a enlevé le monopole de la compagnie des sans associés et on a repris le contrôle de la colonie. Et on veut la développer. On veut développer la Nouvelle-France. Et pour développer la Nouvelle-France, ben ça prend des informations. Quand on est en France, quand on est un ministre très près du roi Louis XIV, est-ce qu'on sait exactement où est-ce qu'on doit mettre notre argent? Comment le commerce se fait dans une colonie si éloignée de l'autre côté de l'océan? Donc, c'est un peu pour ces raisons économiques, d'abord, qu'on cherche à comprendre et qu'on cherche à faire un recensement, donc pour avoir des informations qui vont nous permettre de développer la colonie. Ouais. Et de fait, Talon va c'est assez incroyable, mais évidemment, on est à la fin du 17e siècle. Il va même lui-même participer à la cueillette d'informations là, de ce recensement. Oui, exactement. Donc, pour le premier recensement, Talon, ben, Talon, c'est un homme d'action. Hein. Il faut comprendre ça aussi. Juste pour donner un petit exemple, là, avec les premières informations qu'il va avoir, Talon lui-même va décider de certaines manufactures, certaines industries qui doivent être formées, créées à Québec. Notamment, il va créer une tannerie, il va créer une brasserie, une chapellerie. Ce sont toutes des industries qui n'auront pas une très grande vie, mais enfin, donc, homme d'action et qui veut savoir, c'est donc lui-même, Talon, qui pour beaucoup des maisons, c'est pas en fait la totalité, mais pour une très, très, très, très grande majorité, qui va aller cogner aux portes des maisons et qui va aller faire lui-même le recensement. Bon, et ça va donner quoi? Si on regarde un petit peu les chiffres qui seront publiés, parce qu'il y aura dans ce régime français la tenue de recensement de manière régulière, avec quels résultats? Quand on regarde ces chiffres-là, l'évolution des chiffres en Nouvelle-France, qu'est-ce qui saute aux yeux, Luc-Nicole Labrie? Ce qui saute aux yeux pour ce premier recensement-là, un peu plus de 3200 habitants dans la colonie, on sait que 46 % de ces habitants-là, ce sont des célibataires, ce qui est immense. Quand vous voulez avoir une société qui se, renouvelle, ben, ça vous prend plus que la moitié de la population qui est célibataire. Ça vous prend des gens qui sont en couple, des gens qui vont fonder des familles. Ouais. Donc, et on sait qu'en plus, sur ces 46 % de célibataires-là, c'est 90 % qui sont des hommes. Donc, ça nous fait une population d'hommes et d'hommes seuls, ce qui fait pas, passez-moi l'expression, ce qui fait pas des enfants forts. Dans la colonie, on se retrouve avec un ratio finalement de 3 hommes pour une femme. Donc juste à partir de cette information-là, pour Talon et pour Colbert, donc pour les autorités françaises, ça va leur donner un indice important d'un coup de barre qu'on doit donner très rapidement. Et une des, je vais dire, manifestations les plus concrètes de cette information démographique-là, c'est l'envoi des filles du roi. Et ça va marcher, donc, ça. Ben oui, ça va fonctionner rapidement parce que on sait que dès le début des années 1680, donc on est passé d'un ratio de 3 pour 1 dans la colonie, 3 hommes pour une femme, à un ratio de 2 pour 1. Donc déjà là, on voit que cet effort-là là, des filles du roi qui se passe essentiellement entre le milieu des années 1660 et le milieu des années 1670, sur une période de 8 à 10 ans, disons, le résultat est concret. Alors on fait un petit saut. Le portrait statistique, en quelques mots, à la conquête, autour de 1759-1760, parce qu'encore une fois, il y a des recensements qui seront faits sous le régime français de manière régulière. Ça donne quoi comme portrait au moment de la conquête? Oui, on est passé, en fait, d'une colonie où il y avait à peu près personne. Donc, comme on disait, vers 1666, on a à peu près 3200 quelques habitants, à une colonie d'officiellement 55 009 habitants. C'est les chiffres officiels du recensement. On sait qu'à ce moment-là, en 1754, c'est le dernier recensement en Nouvelle-France, on sait qu'il y a probablement un petit peu plus d'habitants que ça dans la colonie. La colonie est rendue extrêmement grande. Et les évaluations de la plupart des historiens s'entendent pour dire qu'on aurait peut-être plus autour de 60. Certains vont jusqu'à même de dire 70, peut-être même 80 000 habitants dans la colonie. Et ce qui est surtout fascinant de la fin du régime français, c'est que déjà, le recensement va raffiner. Alors qu'au départ, on demandait le nom, l'âge, le sexe, l'état matrimonial et la profession de chaque habitant, ben on va entre autres ajouter des questions à la fin du régime français sur les armes qui sont possédées par les gens. Et de fait, ça va faire partie de l'histoire du recensement. Au fil du temps, les questions vont évoluer et vont effectivement se peaufiner pour le plaisir, parce que c'est savoureux. Un petit extrait d'un monologue de la Sagouine qui nous montre justement que certaines questions, avec le trait d'humour de la Sagouine, que certaines questions, parfois, peuvent être un petit peu, elle dirait, malaisantes. Eh bien oui, ils vont passer par chez nous pour le recensement. Oui, puis nous avons tout recensé, pas de soin. Ils vont recensé Gapi, puis ils vont recensé la Sainte. Puis ils m'avancent, moi et tout. Ah, c'est une grosse affaire. Prenez-en ma parole que j'ai jamais menti. Puis, questionnons. Des fois, c'est malaisé à répondre. Ton nom, tout un nom de baptême. Ton père, ta mère, ta dernière maladie. Quand c'est que t'as eu tes anges? Ah, évidemment, on retrouve l'humour de la Sagouine, mais ce qui reste valable dans ce qu'on vient d'entendre pour notre conversation, Luc-Nicole Labrie, c'est que effectivement les questions évoluent. Jusqu'en 1827, c'est assez simple, mais après, mm-hmm. ça va évoluer un peu. Ça va évoluer en fonction du contexte politique, économique. Puis on en a un mm-hmm. bon exemple avec l'arrivée des Anglais. D'abord, les Anglais vont faire moins de recensement. Ils fonctionnent ouais. différemment des Français, mais il y aura cette rébellion de 1837-38. Et là, dans le recensement qui suit, il y a vraiment un exemple flagrant où, oups, on cherche, à cause du contexte, à comprendre certaines choses et on va utiliser le recensement pour essayer de comprendre. Ah oui, c'est fascinant de voir ça. Pour commencer, hein, sans aller dans tous les détails, là, juste pour donner une idée à nos auditeurs, dans la première, je vais dire, le premier 60 ans du régime britannique, on va faire à peu près 3 recensements. Donc, c'est rien comparativement à même ce qu'on a pu voir dans le régime français, où on pouvait avoir un territoire plus grand, peut-être moins organisé. Là, on est dans une colonie britannique avec une organisation un peu plus, je vais dire, rigoureuse ou ouais. en fait rigide. Et pourtant, on n'a aucun poste d'équivalent à celui d'intendant. Donc, en effet, ça va très, très loin. Dans les années 1820, il va y avoir des pressions. Hein? Et il ne faut pas oublier, puis je pense que c'est le fil conducteur de toute l'évolution de l'histoire des recensements. On va avoir des besoins d'informations pour le développement, notamment économique, qui va passer par la démographie. Et ouais. c'est pour ça que dans les années 1820, on commence à se poser des questions. Mais vous l'avez bien dit, Jacques, en fait, juste après les rébellions, donc de 1837-1838, il va y avoir, en fait, toutes sortes de préoccupations. Encore une fois, je vais dire politiques, économiques, mais aussi sociales, qui vont faire en sorte qu'on va commencer à poser des questions encore plus pointues. Notamment, en 1844, il va y avoir de nouvelles questions qui vont être ajoutées au recensement, notamment sur la religion et sur l'industrie. L'industrie, c'est-à-dire si vous êtes, en fait, un propriétaire, entre guillemets, d'entreprise, ou quelle entreprise est-ce que vous avez. Et c'était des questions qu'on avait laissées tomber, même, durant une partie, en fait, du 19e siècle. Donc, et qui vont revenir juste après les rébellions de 1837-38 pour savoir où les gens travaillent, qu'est-ce qu'ils font de leur temps, dans le fond. C'est des informations très importantes. Bon, en 1851, on instaure la pratique du grand recensement tous les 10 ans. Cette décision-là, le principe même de fait de la tenue d'un recensement va déjà, à cette époque-là, en indisposer certains. Je dis déjà à cette époque-là parce que ça nous rappelle justement ce qu'on évoquait au tout début de l'émission, cette controverse en 2010 de la décision provoquée par les décisions du gouvernement Harper de mettre fin à l'obligation de répondre au questionnaire long. Écoutez cet extrait, vous allez voir, Luc-Nicole Labrie, c'est assez intéressant. Extrait d'une lettre pastorale de Mgr Bourget, évêque de Montréal, qui rappelle aux fidèles leur devoir de répondre au recensement, malgré certaines craintes qu'ils pourraient avoir. On est en 1861, l'extrait est lu par Alain Stanquet. Il faut que vous sachiez que les commissaires chargés de faire le recensement sont obligés de se conformer à la loi, sous peine d'amende ou de prison, et doivent, entre autres choses, bien rapporter le nom, le sexe, la condition ou état de toutes les personnes qui vivent ou demeurent dans leur district. Répondez à tout, poursuit l'évêque, c'est pour le gouvernement qui d'ailleurs ne fait ici que ce qui se fait dans d'autres pays. Et n'oubliez pas que vous vous exposez à l'amende et à la prison si vous cachez des choses qu'ils ont le droit de connaître. Au reste, de continuer l'évêque, nous pouvons vous certifier qu'il n'est ici question ni de taxes, ni de vous enrôler pour vous envoyer à la guerre. Et à l'évêque de terminer, nous allons nous compter tous si exactement que pas un de nous ne manquera, pas même le plus petit. Il est évident que nous aimerions à nous monter sur cette grande scène en nombre, comme il convient, afin que tous sachent bien que nous avons assez de bras pour défricher notre vaste pays. Puissent nos infortunés compatriotes qui se meurent d'ennui et de misère sur une terre étrangère revenir à nous en apprenant de quel bonheur nous jouissons sur le sol natal. 1861, déjà, fin du 19e siècle, ouais. Luc-Nicole Labrie, des craintes, là, un scepticisme qui n'est pas si loin de ce qu'on a vécu là, avec la controverse Harper. Non, absolument. Puis ce scepticisme-là, on pourrait l'associer, en fait, avec, je vais dire, les contre-coups des rébellions de 1837-38, mais ce n'est pas que propre aux Canadiens français. Il va y avoir un scepticisme comme ça face au recensement qu'on va pouvoir renoter à plusieurs endroits là au pays ou, en fait, à ce moment-là encore, dans les colonies. Il faut dire que c'est pas parce que les autorités coloniales, hein, parce qu'on est toujours en 1861, on est avant, donc, la création de la de la Fédération canadienne, de la Confédération. C'est pas parce que les autorités coloniales étaient, je veux dire, plus autoritaires dans leur façon de faire le recensement, mais il y a toujours cette crainte-là qui est bien vivante et qui existe. Et même si on essaie de je vais utiliser l'expression de se professionnaliser, parce qu'en 1847, on va créer le premier vrai bureau de la statistique dans les colonies, ben, malgré tout ça, malgré cette espèce de, je vais dire, une sorte de façon de contrôler, de façon de respecter et de montrer aux gens que l'information ne sera pas utilisée seulement à des espèces de fins occultes, ben, malgré tout ça, il y a ces craintes-là qui sont très fortes dans la population, qui s'expliquent par plusieurs raisons. Il y en a que ça va être d'un point de vue linguistique, les censeurs, ça va être des gens qui vont être identifiés comme étant des agents directement des autorités coloniales, ça peut être un problème. Il y en a qui vont voir, en fait, toutes les raisons que vous pouvez vous imaginer, là, elles sont probablement bonnes pour craindre les censeurs à cette époque-là. Un petit mot, Luc-Nicolas Labry, sur la Fédération canadienne, la Constitution de 1867. Le recensement dans cette construction du pays va avoir un rôle central. Ah, central, absolument, parce que toutes les informations qu'on va aller chercher, qu'on va aller glaner dans le recensement, eh bien, vont nous servir à une tonne de choses. Premièrement, et peut-être, je vais dire ce qui est le plus évident, c'est que c'est à partir des données du recensement sur la population des différentes provinces de la Confédération qu'on va déterminer la représentativité de ces provinces-là dans le gouvernement fédéral. Donc, ça nous donne déjà une utilité, je vais dire, très concrète, et puis très, très évidente à comprendre pour la population de l'utilité de ces recensements-là, mais vraiment, ces données-là vont être très utiles. Et ça continue d'ailleurs au jour d'aujourd'hui. C'est encore ce qui fait qu'on établit le nombre de députés par province. Les questions, ça c'est fascinant, les questions qu'on pose dans les recensements qui vont évoluer aussi en fonction du contexte économique et politique, parce qu'à certaines époques, on veut mesurer telle ou telle autre chose. Ah oui, tout le temps. Il va y avoir des questions qui vont être, je vais dire, très spécifiques à des époques, des façons de faire qui vont être très spécifiques à des époques. Bon, je vous donne un petit exemple. On sait que dès 1871, par exemple, c'est le premier vrai recensement au Canada, parce qu'on a continué le même système des dernières années des colonies. Donc, c'est un recensement qui est au 10 ans. Dès 1871, on dit que c'est une équipe d'à peu près 50 censeurs qui vont aller voir directement la population. Écoutez, ça prend 2 ans, compiler les résultats et les publié. C'est quand même pas rien. Mais oui, progressivement, on va ajouter des questions et ça va vraiment changer d'une année à l'autre. Il va y avoir des questions, par exemple, sur les cultures. Donc, qu'est-ce qu'on va cultiver chez les cultivateurs? Comment est-ce qu'on cultive? Les superficies des terres cultivables. On va avoir des questions sur l'industrie. Comment est-ce qu'on travaille? Les propriétaires, qu'est-ce qu'ils ont comme travail? Qu'est-ce qu'ils ont comme industrie? Donc, ce genre de questions-là va vraiment évoluer et dès là, 1871, jusque facilement, on peut monter dans les années 50, 1950 ou 1960, cette évolution-là va être constante. Pour vous donner un autre petit exemple, on sait que dans les années 1930, notamment en 1931, il y avait une des questions du recensement qui était « Est-ce que vous possédez à la maison un poste de radio? » Ah bon? Donc, ça vous donne une petite idée, ça voulait donner, en fait, une idée au gouvernement à savoir comment est-ce que la population était joignable. Ouais. Ben, évidemment, le questionnaire de 31 va aussi s'intéresser beaucoup aux questions de chômage, de situation économique avec la Grande Dépression. Les questions vont aussi, Luc-Nicolas Labry, être un peu le reflet de la composition de la société parce qu'elle change. Il y a des questions qu'on pose aujourd'hui, les couples mariés de même sexe, qu'on ne pouvait même pas imaginer poser en 1871. Non, exactement. Il va y avoir une évolution, je veux dire, qui va être constante. Puis, ce qui est fascinant, c'est que le fond de la question va changer, mais avec le temps aussi, c'est la forme des questionnaires qui va changer et la forme des questions. Comment on va faire ça? Comment est-ce qu'on va aller chercher l'information, mais aussi comment est-ce qu'on va la traiter? Donc, vous l'avez bien dit, pour vous donner une petite idée, on va commencer à inclure des questions sur justement les mariages, mais aussi donc avec les années 80-90, sur des, on sort, je vais dire, de la définition traditionnelle du mariage. On va avoir des questions sur la langue. Les langues parlées, ça va être... on sera plus entendu entre deux langues, français ou anglais, mais on va avoir des questions sur la langue qui arrivent très tôt. Hein. Dès 1911, on a des questions sur la langue pour essayer de comprendre qui sont cette population-là, mais des questions dont on ne divulguera pas la réponse de la population. Bon, on revient pour terminer cette émission. On boucle la boucle, on revient à la controverse de 2010. Ouais. Extrait d'un reportage de Philippe Leblanc en juillet 2010. Il s'appelait Tony Clément, il a coupé le recensement. Une cinquantaine d'étudiants québécois venus réclamer le maintien du formulaire détaillé de renseignements obligatoires joignent le concert de critiques. Devant le comité, le témoignage que tout le monde attendait. Morning, Mr. Shea. L'ex-patron de Statistique Canada s'explique publiquement pour la première fois depuis sa démission fracassante la semaine passée. I came to the conclusion that I cannot be the head of an agency whose reputation has suffered. Son intégrité et celle de l'organisme ont été atteintes quand on a laissé croire qu'il appuyait la proposition du gouvernement conservateur, a-t-il dit. Committed to the value and values of a professional non-partisan public service. Mais je suis un homme intègre, a-t-il ajouté, étranglé par l'émotion. Tous les statisticiens du monde vous diront que les données d'un formulaire optionnel sont moins fiables qu'un formulaire obligatoire, a-t-il conclu. Heureux d'être ici, M. Clement. Mais rien de tout ça n'allait faire broncher Tony Clement. Le ministre répète depuis un mois que le gouvernement cherche à protéger la vie privée des répondants en éliminant le formulaire détaillé obligatoire. Une juste équilibre entre le fardeau imposé aux citoyens et les besoins des utilisateurs des données. Qu'est-ce qu'on retient avec le peu de recul qu'on a, mais quand même, Luc-Nicole Labrie, de cet épisode de 2010, je le rappelle, qui conduit donc à l'élimination du questionnaire long et obligatoire au recensement de 2011? C'était absolument fascinant cet épisode-là parce que on avait l'impression que c'est comme si 350 ans pratiquement d'histoire de recensement nous avait rien montré, avait montré que dans le fond toute l'information qu'on était allé chercher qui servait au développement économique, qui a servi à la représentativité, à mieux définir la représentativité des différentes provinces dans la fédération, à aider le développement agricole, le développement industriel, à donner en fait un nombre très détaillé d'informations au gouvernement pour pouvoir justement aider avec ses programmes, sa population, c'est comme si on avait l'impression que après 350 ans, on n'avait plus besoin de ça, on était passé à autre chose. Oui. Alors que, on l'a très bien entendu dans l'extrait avec le statisticien en chef qui le disait, pour lui, c'était complètement un non-sens. Donc, c'est vraiment un peu cette espèce de situation, vraiment, vraiment étrange, vraiment particulière qu'on a vécu, a vécu à ce moment-là. Le trou, entre guillemets, de 2011, il n'y a pas eu de questionnaire long scientifiquement valable en 2011. Mm-hmm. Le gouvernement qui suivra va le rétablir, mais il y a un trou. Est-ce que c'est important scientifiquement ou pas? C'est un statisticien qui serait en mesure de vous le dire. J'ai une idée de sa réponse. Probablement que oui, c'est assez important. Pour l'historien, c'est indéniable cependant qu'avec toutes les informations qu'on peut aller chercher dans les recensements historiques, en 2011, on a certainement eu un petit trou, je vais dire statistique, qui pour les historiens qui font surtout de la recherche quantitative, en fait, ça va probablement faire en sorte qu'ils se grattent un peu la tête dans quelques années. Luc-Nicole Labrie, historien et guide interprète à la Commission des champs de bataille nationaux. Merci beaucoup. T'as merci. Plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.